bonjour à vous toutes et à vous tous. Bienvenue sur Fadjet pour les 40 ans et les 40 heures de Fadjet. Et puis ce matin, on accueille bien sûr l'équipe de la matinale du dimanche. Et voilà, tout le monde est là. J'espère que vous allez bien. De la matinale ou la continuité de la nuit? Ouais, un peu des deux. La matinale nuit. Voilà. Ça dépend de qui, en fait. La nuitinale. La nuitinale, j'aime beaucoup. J'adore. Bonjour, Davy. Bonjour, Sarah. Ça va? Ça va bien. Ça va. Fatigué, mais ça va. Comment ça, fatigué? Davy, t'as fait nuit blanche? Oui, j'ai fait nuit blanche. Est-ce que t'es à l'antenne depuis minuit, en fait? Oui, à peu près. Et toi, Valentin? Oui, Valentin. Oh là là. Quand on le connaît. Valentin, t'es là depuis quand? Moi, je suis revenu à 17h et je ne suis pas parti depuis. Eh bah super. Et moi, je suis là depuis 3h. Eh ben ouais. Fadjet dans la peau. 3h du matin et pas depuis 3h. Non, non. Bah non. Bon, enfin, petit niveau horaire, ça correspondrait presque. Hein. Presque. Presque. Presque. Il a plus de micro, Manu. Pauvre Manu. Non, je suis arrivé. Moi, je viens loin, les gars. Vous êtes tous dénoncés. Moi, j'ai 30 bornes de route à faire quand même sous la pluie. Mais... Et donc, je voyais 2027. Je me suis dit, j'ai dormi trop longtemps. Ah, non, tout va bien. Tout va bien. Ce sont les 42 ans de Fadjet. C'est un peu drôle. Donc on accueille aussi Evan qui est là, on a Dr Vince qui est là également, Evan, ouais. Et Valentin. Oui, bonjour. D'habitude, je ne suis pas réveillé à ces heures-là, mais comme là, je n'ai pas dormi, je me suis dit que j'allais taper la cruste sur la matinale. Ah bah, voilà, ouais, t'es le bienvenu. Ça va être une ambiance de folie, on vous prévient déjà. Oui, et puis bien sûr, Ayat. Bien le bonjour. Bonjour. Eh bien, il est 7h03, on enchaîne avec le Flash Information. Et on commence avec le flash à l'international. Au Proche-Orient, Netanyahou envoie des négociateurs au Qatar pour discuter de la trêve à Gaza. Des combattants du Hamas ont libéré samedi 3 nouveaux otages israéliens après 16 mois de captivité à Gaza dans le cadre d'un accord de cessez-le-feu. Israël a condamné un spectacle cruel et l'apparence physique inquiétante des captifs relâchés. En échange de trois otages, Israël a annoncé avoir relâché 183 détenus palestiniens partis vers Jérusalem-Est. Les négociations reprennent pour définir les modalités de la deuxième étape de la trêve. Benjamin Netanyahou annonce l'envoi des négociateurs au Qatar, théâtre de pourparlers. Un juge fédéral des États-Unis a émis une ordonnance afin de bloquer les contrôles du système de paiement du Trésor américain par la Commission sur l'efficacité gouvernementale dirigée par Elon Musk. Le juge a interdit l'accès aux données stockées au Trésor américain à toutes les personnes nommées politiquement, tous les agents spéciaux du gouvernement ainsi que tous les employés gouvernementaux détachés par une agence extérieure au Trésor. Cet ordre temporaire, en vigueur jusqu'à une audience prévue le 14 février, stipule également que toute personne ayant accédé aux données des archives du ministère des Finances depuis l'investiture de Donald Trump le 20 janvier doit détruire immédiatement toutes les copies du matériel téléchargé. On poursuit ce flash donc en région. Nicolas Sarkozy annonce renoncer à toute expression médiatique après sa condamnation dans l'affaire des écoutes. Hier, l'ancien président s'était fait poser un bracelet électronique puisqu'il a été condamné à porter donc dans l'affaire des écoutes. On va y arriver. Dans un communiqué, il dénonce une injustice et annonce se mettre en retrait de ses activités publiques d'ancien président. Concernant le meurtre de Louise, 11 ans, à Épinay-sur-Orge, le couple placé en garde à vue a été mis hors de cause. Dans l'Essonne, Louise, 11 ans, a été retrouvée morte après avoir été poignardée la nuit dernière dans un bois à Longjumeau, dans l'Essonne. Les deux personnes placées en garde à vue samedi, un couple âgé d'une vingtaine d'années, ont été relâchées dans la soirée alors qu'une enquête a été ouverte pour meurtre. Dans le communiqué, le parquet signale que l'autopsie révèle bien la présence de très nombreuses plaies commises avec un objet tranchant dans les parties vitales. Et on poursuit du côté du Grand Est avec le monument dédié à Barès de Sion-Vaudémont a été couvert de tags. Les visiteurs qui fréquentent nombreux le site de Sion-Vaudémont étaient surpris et indignés de découvrir dernièrement que la lanterne des morts qui se dresse sur cette colline en l'honneur de l'écrivain Maurice Barrès avait été taguée sur ses quatre côtés. Inaugurée en 1928 en présence de Raymond Poincaré, président du Conseil, ce monument avait été érigé en mémoire de cet écrivain lorrain, célèbre notamment pour son livre La colline inspirée, où il relatait l'histoire de trois frères Bayard. Et enfin, on termine concernant l'attaque au coup de couteau à Metz. L'auteur présumé est en garde à vue. Dans la nuit de jeudi à vendredi, dans le centre-ville de Metz, un intrus a asséné plusieurs coups de couteau à l'occupant d'allongement. L'auteur présumé était placé en garde à vue pour tentative de meurtre. L'affaire s'est maintenant amincie. Le vingtenaire sera jugé lundi en comparution immédiate pour extorsion. Merci beaucoup, Agathe. Prochain point sur l'actualité, ça sera tout à l'heure à 8h. La météo, les conditions. Il fait tellement beau. Il pleut, c'est une horreur. Il fait tellement beau, on est aveuglé par le soleil. Il faut enlever tes lunettes, je crois. Tu n'as pas vu la météo. Ah, je crois qu'il fait Gilbert Montagnier. C'est pas dit, c'est pas impossible qu'il vienne faire un tour ce matin. Ah. Personne n'a la météo. Non. Monsieur Vince, vous aviez annoncé faire la météo. Alors oui, mais par contre, moi j'ai une météo un peu spéciale, j'ai Seigneur Météo. Eh ben allez-y. Tu l'as le jingle de Seigneur Météo? Alors attends. Du coup, parce que nous on est sur les 40 ans. C'est du direct. C'est funky, voilà. C'est convivial. Exactement. Alors je vais regarder. Je vais faire un spectacle de claquettes radiophoniques. C'est parti. Et ben, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac. Ah. Voilà. Et oui, alors je vous rappelle le principe de Seigneur Météo. Je vais vous faire deviner par le biais d'une charade les paroles d'une chanson expliquant que c'est les 40 ans de Fadjet, parce que finalement on s'en fout de la météo. Alors est-ce que tout le monde a compris? Oui, je pense. À date exceptionnelle, émission exceptionnelle, chronique exceptionnelle, si tout le monde est prêt, on y va. Mon premier est une marque d'objectifs célèbre. Nikon. Non, presque. Canon. Non. Canon. Non. Zeiss. Non, il y a ça sur les... Moi j'en connais que deux, après je suis... Commence par un L. Lexon. Non. Lexus. Bon, je vous aime. Leica. Pour les photos. On est nul. Hein. Quand on se déplace allongé, on dit qu'on se déplace en... Allongé. En rampant. Donc mon premier était Leica, mon deuxième est rampant. Mon troisième est le chien de Mickey. Plutôt, tout à fait. Mon quatrième a fait le Dakar et l'Olympia. De Balavoine. Johnny, bravo. Ah. Johnny. Mon cinquième est un café qu'on boit après 16h. Quand on un est déca. Vieux. Déca. Tout à fait. Mon sixième est le qualificatif qu'on donne au poteau qui met un but rentrant. Alors, merde, j'ai rien compris, moi. Vous m'avez perdu. Alors, le foot, c'est... Un poteau qui met en but, c'est un poteau rentrant. C'est rentrant, effectivement. Et mon tout est le moyen de rappeler l'âge de notre station. Je vous rappelle les réponses. Les cas rampant, plutôt Johnny, des cas rentrant. Est-ce que tu trouves le truc qui s'appelle Manu Dimanche 2? Oulala. Une énigme en direct. En fait, Manu nous a pas dit, il vient pour nous poser des pièges en tant que technicien. Il dit bam. Non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, normalement, j'arrive avant, on devrait être prêt, mais là. Bravo. Alors, Manu, tu dis dimanche. Sinon, faut taper Yves, parce que c'est de sa faute. Alors, attends, vas-y. Alors, oui, voilà. Alors, c'est Leica rampant plutôt Johnny Deca rentrant. J'espère juste que c'est le bon. Leica rampant. Vas-y. Oh, non, c'est pas ça. Non. J'ai 40 ans. Plutôt Johnny Deca rentrant. Il a fait. Donc, c'est Michel Sardou qui chante. J'ai 40 ans. Plutôt joli. J'ai 40 ans. Alors, on n'est pas obligé d'aimer Michel Sardou. Oui, chers auditeurs, auditrices de Fadjet, il n'est pas mort. Il a 78 ans. Michel Sardou, évidemment, il a chanté Les Colonies, Le France, Femmes des années 80, mais aussi, il y a 38 ans, le titre J'ai 40 ans. Mais attendez, 40 ans, ça serait pas le même âge que Fadjet? Mais bien sûr. Si, joyeux anniversaire, Fadjet. Joyeux anniversaire. On m'a perdu. Ah, c'était laborieux, mais ça ira pour les autres. Moi, j'ai pas compris ce qui se passait. Il y a plusieurs fois, Il pleut, tout ça. Si vous voulez savoir le temps qu'il fait, ouvrez vos volets. Très bien. C'est tout. Fini. C'est tout. Okay, d'accord. Davy comprend pas ce qu'il passe. Si tu veux, Davy, j'improvise une météo hein, de la journée, si tu veux. Davy, il est au bout du rouleau, il fait des montres, il va être avec eux, là. Je suis au courant de rien. Une pluie faible ce matin dans l'agglomération nancéenne, des températures qui oscillent entre 3 degrés et 6 degrés au meilleur de la journée, quelques éclaircies en soirée, et puis le temps de début de semaine prochaine, si vous souhaitez retourner au travail après les 40 ans de Fadjet, moi je pense que je n'ai plus envie de travailler, je veux rester dans cette radio jusqu'au bout de ma vie. Il fera entre 4 et 7 degrés et un temps très couvert toute la journée de lundi. Ça fait rêver, c'est cool parce qu'on a l'impression qu'il est 18h toute la journée. Ouais, carrément. Et je trouve ça super. Mais merci. Merci beaucoup, Alex. Avec plaisir. 7h11, dans un instant, nous allons retrouver donc l'éphéméride avec Agathe. Et là, on va écouter donc Christophe Maé. Et donc, le titre, c'est drôle, la vie. 94.2, service compris. Votre matinale sur Fadjet. 1985, 2025, Fadjet a 40 ans. C'est drôle la vie comment elle passe. C'était pas hier mais c'était y a pas longtemps. C'est drôle la vie comment elle trace. Je le vois bien dans la glace, j'ai pris quelques cheveux blancs. Mais je me dis que c'est rien ça, que c'est triste que la vie nous trace. C'est juste la peinture du temps. C'est drôle la vie comment elle passe. C'est drôle la vie comment elle trace. C'est drôle la vie comment elle passe. Comment elle passe. Il y a des jours qui tracent et d'autres qui passent lentement. Si on a fait quelques grimaces, ouais, on a su garder nos printemps. On a dû faire rire, on a dû faire souffrir. On a dû faire de la peine à des gens. C'est drôle la vie comment elle passe. C'est drôle la vie comment elle trace. C'est drôle la vie comment elle passe. C'est drôle, c'est beau, c'est bon. C'est con la vie comment elle passe. Je veux remplir mon cœur de bougies à souffler, de fêtes à fêter. Si tu savais comme y a la place. Y a quelque chose chez toi qui me ressemble. Tu pleures un peu, tu ris souvent. Y a quelque chose ce soir qui nous rassemble. Faites que ça dure encore longtemps. C'est drôle la vie comment elle passe. Christophe Maé et Angélique Kidjo, c'est drôle la vie. Votre dose d'énergie matinale, c'est sur 94.2 avec Service Compris, la matinale de Fadjet, de 7h à 9h. Alors, donc, juste avant qu'on retrouve donc l'éphéméride de Agathe, alors on a Sarah qui va nous proposer. Alors, je vais commencer par ce que je vais proposer aujourd'hui à l'antenne, donc jusqu'à 9h. Moi, je vais vous proposer des livres qui sont sortis en 1985, que je n'ai pas lus, mais qui sont, je pense, des livres à découvrir, donc je trouvais ça sympa. Des expressions qu'on utilisait pendant les années 80 et qui ont complètement disparu. Une petite histoire de la radio très rapide. Et puis, les nouveaux mots du petit Robert 2025. Il y en a quelques-uns qui sont de véritables bijoux que j'ai envie de vous faire découvrir. Donc ça, c'est le créneau, vraiment, entre 7h et 8h. Donc, on te laisse entièrement la parole. Exactement. C'est une prise d'otage. Voilà. S'il y a des mots qui rentrent dans le dictionnaire, il y a des mots qui sortent aussi. Oui, aussi. Mais j'avais envie de faire ceux qui rentrent, parce qu'on fait souvent, je fais souvent les oubliés ou ceux qu'on, voilà, qu'on n'utilise plus du tout. Je trouvais ça sympa. Mais apparemment, ça tombe à l'eau. C'est pas grave. Non, ouais. C'est génial, c'est génial. Personne n'a préparé un rire préenregistré. Ah, mais c'est pour ça qu'il est venu, c'est pour rire, c'est pour rire, je suis là juste. C'est un... Valentin est un cartoucheur vivant. Exactement. Il nous fait des bruitages. Attendez, attendez, on a aussi un chat dans l'émission. Oh, la prise. J'ai l'impression d'être visité là. Je rappelle que David est là depuis avant-hier. Oui. Et que c'est déjà la cinquième fois qu'il fait le chat à l'antenne depuis minuit. Le pauvre. Alors on retrouve l'éphéméride à 7h16. L'éphéméride. Alors en ce 9 février, Agathe. Eh bien, nous fêtons donc, vous le savez, hein, les 40 ans de la radio qui est née en 1985. Mais ce 9 février, donc c'est un beau jour pour fêter ensemble et célébrer notre radio. Mais d'autres choses se sont produites donc ce jour. Faisons un petit panorama et on repart bien, bien loin. En 1801, la paix de Lunéville, signée entre la France et l'Autriche, confirme le traité de Campo Formio. Par celui-ci, les Autrichiens sont chassés d'Italie à l'exception de la Vénétie et abandonnent la France. La rive gauche du Rhin, l'actuelle Belgique, où sont créés 4 départements. On apprend des choses ici, ouais. Vous voyez. Oh. En 1894, le Belge Adolphe Sax, inventeur du saxophone, meurt à Paris. Et donc, vous voyez que saxophone, ça vient de Saxe. Oh. Et on apprend encore des choses. Ah. En 1942, le paquebot français Normandie est détruit par un incendie à New York. En 1950, le sénateur américain républicain Joseph McCarthy lance une chasse aux sorcières contre les communistes, événement plus connu sous le nom de... McCarthyisme. Mais bien évidemment. Ça c'est pour Sarah, big up à toi. En 1953, le livre de poche est créé. Oui. Et voilà, 1953. C'est dans quand même... la collection livres de poche, et il n'était même pas destiné à perdurer parce que tout le monde était persuadé qu'un livre de cette taille ne conviendrait pas à l'intelligentsia parisienne pour lire. On lisait que sur des livres brochés avec des pages gaufrées. Donc je suis très contente que le livre de poche ait connu ce succès. Mais c'est assez récent, moi, je trouve, quand même, hein, 53. Oui, oui. En 1969, le Boeing 747 effectue son premier vol. Il s'agit du plus grand avion de ligne du monde, transportant donc 400 passagers et qui pèse 315 tonnes. Ça va le faire, on tient bon. En 1995, Guy Delage réussit sa traversée de l'Atlantique à la nage et en radeau, et il lui aura fallu 55 jours pour effectuer 3735 km qui séparent le Cap-Vert des côtes américaines de l'île des Barbades. Ouais, c'est dingue ce qu'il y sera en avion, avec le Boeing il aurait été plus vite. Ah bah tu m'étonnes. Hein. En 2018, le président sud-coréen Moon Jae-in et la sœur du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un échangent une poignée de main historique lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques en Corée du Sud, donc un geste très très symbolique. En 2020, le film Parasite du réalisateur sud-coréen Bong Joon-ho entre dans la légende des Oscars en devenant le premier long métrage en langue étrangère à obtenir le prix du meilleur film. Super film d'ailleurs que je vous conseille. Je vois Valentin qui est d'accord avec ce que je dis. Tout à fait. Super film. En 2022, une dernière info, une étude parue dans la revue Science avance qu'une population sapiens se trouvait déjà dans l'ouest de l'Europe il y a 54 000 ans, une douzaine de millénaires plus tôt que la date communément admise. Sachez aussi donc que nous sommes dans le 40e jour de l'année, dans la 6e semaine de l'année, et il nous reste 325 jours avant que l'année ne se termine. Et on fête les... T'es en train de nous dire que les 40 ans, c'est tombe le 40e jour de l'année. Ouais. Mais wow, non, mais c'est oui. Incroyable. Et j'allais dire, autant de jours pour fêter, comme tu disais, les 40 ans de notre belle radio. Nous fêtons également les Apollines. Sainte Apolline. Avec un Z. Avec... Oui, pardon, c'est l'accent marnais. Les Apollines. Sainte Apolline est morte à Alexandrie en Égypte en 249, subissant le martyr par le feu. C'est pas rigolo, monsieur. On serait morte quand même si c'était pas ça. Et donc, j'allais dire, puisque je vous aime bien, je mais sais si. Pas. Hein. Mais si. Je vous donne le dicton du jour. Ah. Oh. À la Sainte Apolline, présage certain, l'hiver s'achemine ou touche sa fin. Oh. Mmh. Je ne sais pas très si ça s'applique en Lorraine. Hein. Non. Par rapport aux températures, qui est aussi entre 3 et 6 degrés. Mais il fait chaud dans le studio. Non. Là, on est bien. Il fait 21 degrés. On a chaud. On est tous en t-shirt chemise. Alors, je ne sais pas si tu dois te fier à celui-là, parce qu'il indique aussi qu'on est en 2027. Je ne sais pas si c'est une bonne source. Je pense que la vérité est entre les deux. À mon avis. Merci beaucoup Agathe pour l'éphéméride. Eh bien, dans un instant, nous allons retrouver donc notre chère Sarah. Oh là là, j'aime bien quand on m'appelle comme ça, chère Sarah. Princesse Sarah. Ça fait un peu conteste. Et du coup, là, tu vas nous parler de... Eh bien, ce que vous voulez, en fait, je peux vous parler des livres. Moi, alors, est-ce que tu peux nous faire la météo? Non, je peux vous parler des trois livres de 1985. Très bien, on va parler des livres de 1985. Ah, ça sera juste après Sophie Ellis Bextor avec Freedom of the Night. Sophie Ellis Bextor, Freedom of the Night. Les bonnes ondes de Fadjet depuis 1985. Eh bien, nous avons retrouvé Sarah et nous avons parlé de livres en 1985. Oui, j'avais envie de vous présenter trois livres que je n'ai absolument pas lus, une fois n'est pas coutume, parce qu'en 1985, je crois que j'étais peut-être un pas peu née. Trop jeune. Mais ça, si, ça existe. Mais j'étais trop jeune pour pouvoir avoir ce genre de lecture et ces goûts littéraires. Et je vais commencer tout de suite par un livre de Pierre Desproges de mai 1985. Donc Pierre Desproges, le maître absolu de l'ironie du jeu de mots. Alors on le connaît évidemment comme ça, mais on ne le connaissait pas forcément romancier, et il a écrit un livre qui s'appelle « Des femmes qui tombent ». Et il dit, je cite dans ce livre, « Il faut parfois laisser traîner des mystères à la sortie des livres », et je suis tellement d'accord avec lui 40 ans après, parce que la plupart des auteurs, et quel que soit leur genre littéraire, aiment bien pratiquer ce genre d'épilogue. Alors de quoi parle « Des femmes qui tombent » ? Ça se passe dans un village à Cérillac où la mort frappe chirurgicalement, dirait-on aujourd'hui. Elle ne touche que les femmes municipales avec une frénésie guère naturelle chez les résidents de ce hameau ordinaire. À l'instar d'Adeline Serpillon, première victime de cette épidémie mortifère. Pierre Desproges croque la camarade comme personne. Au fil de son écriture mélancolique et lyrique à la fois, nous suivons, rictus au coin des lèvres, l'histoire de ce village et de ses habitants, confrontés aux décès successifs qui déciment la gynécée locale. Le médecin du village, Jacques Rouchon, et son épouse Catherine, et leur enfant, sont les protagonistes et parfois les spectateurs de ce drame qui couve au printemps. Eh bien, c'est un livre que je me suis dépêchée d'aller retrouver, qui est dans ma pile à lire et que je vais découvrir pour vous en parler après. La pile à lire, elle mesure combien ? J'allais demander, il y a combien dans la, de dans la pile à lire, il y a 4 piles de 40 cm. Il y a 4 piles. Attends, moi je peux ça pas. Ça fait 1m60 de pile à lire. Attends, c'est ma taille quasiment. Ouais. C'est ça, tu as une agate de lecture. J'ai, une agate de lecture. C'est ça. Je vous présente un deuxième livre et je vous propose qu'on fasse un troisième peut-être un peu plus tard, que ce soit pas trop lourd pour les auditeurs, si vous êtes d'accord. Ouais. Vas-y. Alors, c'est toi qui choisis, hein. Troisième livre qui est sorti lui en mars 85, qui s'appelle Reine-Mère, d'une autrice qui a complètement disparu du paysage littéraire, et c'est bien dommage, Christine de Rivoire. Le livre commence par une agression. Une banale agression par un drogué un matin à l'aube, alors qu'elle était sortie promener son chien dans le quartier. Et voici Reine, qui est le nom de la protagoniste, et vous allez comprendre le titre, Reine-Mère, qui est couverte d'ecchymose au corps comme à l'âme. Rebaptisée Reine-Mère par les siens, elle vit seule rue Sugère, près de la fontaine Saint-Michel. Rituellement, le vendredi, ses trois enfants viennent la voir. Vincent, peintre de son état avec son petit garçon Clovis en bandoulière, Viviane, la fille, flanquée de son pompeux époux et de leur grande fille Julie, et Camille, la plus jeune, souvent les plus jeunes sont les plus rebelles dans une fratrie, qui adore la danse, sa mère et les animaux. D'instinct, autour de cette agression, le clan se resserre, mais les chocs en retour se multiplient mystérieusement après cette alerte. Chacun a droit à son lot de violence, mais la famille fera face, car Reine-Mère, donc j'aime beaucoup le titre Reine-Mère, parce que c'est une mère omnipotente, omniprésente et toute puissance dans cette fratrie. Reine-Mère, c'est avant tout l'histoire d'une famille à peine plus folle que d'autres, mais si tendre et si vivante, qu'on tombe aussitôt amoureux de Reine-Mère et de ses enfants. Et je garde le meilleur pour la fin. Mmh. Mystère. Vous aussi, vous savez faire du teasing des fins de livre. Ouais, j'adore. Enfin, on m'a demandé de faire des bruits aujourd'hui. Mais ça fait un peu film érotique après. Ouais, ça, ouais, non, tout de suite. Alors, on a Stéphane qui est là-bas, qui, depuis tout à l'heure, nous dit que c'est dans tout bien, tout honneur. Hein. Oui, c'est bien ça, monsieur. J'ai un souvenir de l'émission juste avant qui passait des extraits d'anciens jingles de Fagette. Il y avait « Ah, oh, où que vous soyez, le plaisir. » Qu'est-ce que t'es en train de nous faire là, Alex? Un jingle qui passait sur Fagette. Pour TME, je crois. Où que vous soyez, le plaisir se consume sans arrêt sur Fagette. Quelque chose comme ça. Et tu as la voix qui va bien avec en plus. T'as vu, hein. Oui. Je pense que c'est toi qui le faisais déjà à l'époque. Alors, peut-être que tu m'as contacté, c'était un numéro le 3615, je sais plus quoi. Plus là. Eh bien, merci beaucoup, Sarah, pour. pour le livre. Et merci, il est mal à l'aise, Davy. Désolé, Davy, je t'avais pas prévenu. Tu peux venir faire un stage dans la matinale du mercredi. Je crois que je vais faire ça. Parce que là, c'est... Allez, on va retrouver donc Superbus et Oshi avec Lola. Allô, Lola, c'est encore moi. J'ai beaucoup pensé à toi, Lola. Allô, Lola, ne raccroche pas. Ne mets pas de hola. Oh, Superbus et Oshi avec Lola. Et d'ailleurs, Superbus sera au jardin de Michel. Debout. De Michel. On se lève avec 94.2, service compris. Ça va, Lisa? Ça va? T'as pas appelé docteur? Il est là. Derrière moi, docteur. Allô? Docteur? Allô? Le docteur Vince sur Fadjet. Mesdames et messieurs, bienvenue dans un autre monde, une dimension parallèle, enfin non, plutôt un monde presque perpendiculaire au nôtre, votre rendez-vous médical du jeudi matin habituellement. Il est avec nous depuis deux saisons, notre spécialiste, expert en médecine paranormale et autres thérapies alternatives ou remèdes douteux, le docteur Vince, bonjour. Ouais, bonjour Alex, bonjour à toutes et à tous, bonjour à vos auditeurs, quel plaisir d'être là pour les 40 ans de Fadjet. C'est un honneur pour nous également de vous recevoir, je le disais en introduction. Vos méthodes sont parfois décriées. En effet, je suis toujours là pour vous faire aller de l'avant, surtout quand vous êtes au bord du gouffre. En effet, à tel point que l'on a arrêté de comptabiliser les victimes de vos méthodes. D'ailleurs, aujourd'hui, on répond au courrier d'une auditrice sans détresse. On vous écoute pour la lecture de la lettre. Cher Dr Vince, mon fils partage son année de naissance avec votre radio. Il est né en 1985, il a 40 ans. Il passe ses journées à scroller sur son téléphone en caleçon et à se plaindre que la vie est dure. J'ai tout essayé, le dialogue, les menaces. J'ai même essayé la poupée vaudou, mais il est toujours là, comme un cafard résistant à l'apocalypse. Comment puis-je enfin le faire dégager? Et c'est signé Monique, 62 ans, désespérée. Waouh, c'est la première Monique vivante que j'entends parler. Ah ouais, ça paraît dingue, mais c'est pas une légende. Il y a vraiment eu des Moniques jeunes, il y a 40 ou 50 ans. Elles écoutaient Fréquence Aumônerie des jeunes de l'enseignement technique. C'est ce que ça signifiait Fadjet à l'origine. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, Monique, la douloureuse question du petit Tanguy familial. Chez nous, on l'appelle le chioni ou bien encore le pansement. À 40 ans, c'est fini depuis longtemps l'éducation. Là, on est sur une prise d'otage. Faut faire appel au GIGN. Ou une annexion. Il a planté son drapeau sur le canapé et déclaré son indépendance. Chez maman. Exactement. Plus efficace serait une opération retour vers le futur. Nom de Zeus, Marty, saute dans la DeLorean et repartons en 1984 afin que Monique utilise deux préservatifs. Oh. Attendez, mais c'est vraiment possible ça, docteur? Ouais, moi qui croyais que je trouverais pas plus crédule que François, mais non, rassurez-vous Monique, j'ai une solution révolutionnaire pour vous, c'est la lithothérapie. La quoi? La lithothérapie, mon cher Alex, l'art de guérir avec des minéraux. Ah oui, bien sûr, mais je suis vachement surpris d'une méthode aussi douce de votre part, mais ça soigne quoi? Eh bien, tendez l'oreille, Monique, vous mettez votre sonotone sur neuf. Voici mon ordonnance. Prenez une grosse améthyste censée purifier les énergies et glissez-la sous le matelas de votre fils. Peut-être avec un peu de chance qu'il se réveillera avec une révélation mystique ou au moins un bon mal de dos. Vous croyez que ça peut marcher? Ouais, si ça marche pas, vous passez à l'étape 2, vous essayez le quartz rose, c'est une pierre qui permet de favoriser le lâcher prise. Dans votre cas, il lâchera peut-être la télécommande de la télé et le paquet de chips. Et s'il s'accroche encore? L'œil du tigre, ça peut lui permettre de reprendre confiance en lui. Ah, je connais ça, The Eye of the Tiger. Mais et si... Oh là là, et si ma tante en avait, on l'appellerait mon oncle. Il reste que le gravier. Le gravier, c'est quoi ces vertus? Une thérapie qui allie minéraux et les techniques médiévales. Du gravier avec un lance-pierre, et vous visez les parties du corps où la peau est la plus fine ou bien les yeux. Et avant que vous me posiez la question du et si, on va tout de suite passer au boss de fin. Vous lui balancez un silex tranchant dans le front. Ah ben ça c'est radical. Merci Dr Vince, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle réponse au courrier des auditeurs. Voilà, et n'hésitez pas à envoyer vos courriers, je vous remercie encore. Belle année à tous et bel anniversaire Fadjet. Merci beaucoup, Dr Vince. Eh bien, dans un instant, on va jouer ensemble avec la voix mystère. Et juste avant, on va écouter Esme avec La vie change. 7h36, bon réveil à l'écoute de Fadjet. C'est quoi la voix mystère ? I was running to C'est quand la lumière s'efface et quand la douleur elle reste en place. Tu viens me chercher pour que je puisse respirer. C'était Esme, la vie change. 94 de service compris. C'est de 7h à 9h à l'occasion des 40 heures de live sur Fadjet. La voix mystère. Qui se cache derrière cette voix? Oh, c'est Stéphane, certainement. C'est toujours Stéphane. Alors, la voix mystère, donc on prend une voix bien connue, donc en l'occurrence pour les 40 ans, donc du PAF, on va dire, paysage audiovisuel français. Voilà. Et donc, si vous trouvez cette voix, c'est un point pour vous. Ah ! Très bien. Alors, est-ce que vous êtes prêts ? Non, oui, let's go. Tu gagnes ton point Twingo. Pourquoi ? Ça devient collector. Hein. Tu gagnes une roue. Moins cher. Allez, deux. Vas-y, c'est parti. Allez, c'est parti. Quelques naissances maintenant, je le disais. Tout d'abord, nous souhaitons un joyeux anniversaire. Le père Catherine Laborde. Votre anniversaire, non. C'est moi. Que celui de Julie Zenati. Bravo. Ah oui, c'est toi. On l'aurait dit Catherine Laborde. Parce que c'est un compliment. Non, mais la pauvre. Physiquement, il y a quelque chose quand même. Oui, parce que Catherine Laborde, elle tombe le même jour que celui de Julie Zenati. Attends, parce que là, on parle du PAF. Oui, ça, c'est trafiqué. On parle du PAF. Oui, du PAF, bah, ouais, on est dans les médias. Ah, du PAF de Fadjet. Le PAF, le média, on est dans les médias. Je suis tellement touché. Il va pleurer. Encore, pour la deuxième fois. Un point pour pour toi, Alex. Merci. Allez, deuxième. Si l'on parle de ses influences en tant que DJ, on peut notamment citer Agathe. Andrew Weatherwood, Bill Brewster, Daniel Avery. Ouais. Bravo, Alex. Manu l'avait aussi. C'est Manu. Le point est partagé, il l'amène des gaines avant moi. Bon, bah, un point pour Manu. On reconnaît le timbre de voix d'Agathe. Ah, si, c'est vrai. Je ne m'étais pas reconnue. Mais ça, c'est sa voix pas trafiquée, on est d'accord. Oui, c'est cela. Après une nuit, en fait. Non, c'était bien, Agathe. DJ, on peut notamment citer Andrew Weatherwood, Bill Brewster, Daniel Avery, mais aussi son ancienne camarade du groupe Dead Disco. Elle a trafiqué l'anglais aussi. Et dans des goûts plus globaux, on va dire. Allez, on en fait une dernière. Enfant, elle aime les boys band, comme beaucoup. Alors, attention. Fait par l'actrice Diane Morgan, c'est sur Netflix, ça s'appelle La vie selon Knuck. Ah, c'est Kevin. Et ce sont des interviews complètement décalées. Non, c'est Bruno, sans que ce soit déformé. C'est Bruno. Oui. C'est Bruno. C'est dur, eh. Oui, parce qu'en fait, je me souviens de quoi il avait parlé. Ah, Morgan, ouais, mais alors si ça Netflix, triche un peu ça aussi. Ça s'appelle La vie selon Knuck. Et ce sont des interviews complètement décalées de personnalités scientifiques, donc sur des thèmes assez scientifiques, la création Alex, de l'univers. Alex, deux points. Bah non, c'est ah non, un point chacun. Un point Ivan, un point Manu. Vince. Il s'appelle Manu. Oui, Vince. Un point. Docteur Manu Vince. Un peu Docteur Jekyll et Mr. Hyde. C'est ça. Eh bien, bravo à vous, parce que quand je trafique les voix, quand je prends quelqu'un d'un animateur de Fadjet, personne ne trouve. Et moi, je m'étais même pas reconnue, c'est pour vous dire. Ah, voilà. Si tu le fais en région parisienne avec des gens qui écoutent pas Fadjet, ça peut pas marcher. Ouais, j'ai reconnu le texte, parce que voilà, comme j'écris mes scripts, je ne fais pas d'improvisation à l'antenne. Vu qu'on était dans les 40 ans, donc j'en ai profité. Eh bien, c'est gentil. Merci, David. Bah, de rien. 7h43, on va poursuivre avec Sumfeld. Ça s'appelle Earth Like Mine. Sumfeld et Rosaline avec Earth Like Mine sur Fadjet. Fadjet sur 94.2. Eh bien, c'est l'heure de retrouver Agathe avec un petit quiz pour ses 40 ans. Eh oui, mon bon Davy, c'est exactement ça. Êtes-vous prêts tous autour de la table? Oui, alors là, au taquet. Allez, c'est parti. Donc, première chanson. C'est une chanson parue sur l'album Sauver l'amour. Balavoine déjà. Balavoine, ouais. Ouais. Ce titre est un hommage à la femme du chanteur, Corinne, d'origine juive marocaine. L'Aziza, ouais. Oui. Je précise pour le reste de l'émission, ce sont que des titres donc sortis en 85. Okay, ah, ok. Ok, bah nickel. Oh, il est concentré, il a les yeux fermés et tout. Oulala. Vous êtes prêts pour l'autre? Allez, oui. Vas-y. Allez. C'est une chanson parue sur l'album Songs from the Big Chair. Ah, c'est Tears for Fears? Oui. Je continue, oui, mais il me faut le nom de la chanson. Ok. Attention, hein, on chipote pas, Evan. Hein. Okay. C'est un succès international au moment de sa sortie, et la chanson aborde les thématiques que sont les désirs de contrôler les autres et la corruption. C'est Sowing the Seeds of Love? Non. Non. Shout? Shout? Non. Ouais, je pensais à ça. L'autre très connu. Woman in Chains? Non. Une plus connue, vous oubliez la plus connue. C'est sur Everybody wants to rule the world. Exactement. Ah, Everybody wants to rule the world. Avant de se rouler la langue avec le café ce matin. Allez, encore une. C'est un titre paru sur l'album Like a Virgin. Madonna. Madonna. C'est un titre post-disco très populaire. Le titre est provocant et l'artiste y parle du matérialisme. Material Girl. Ouais. Oui. Voilà. J'allais dire en plus du coup que ça, voilà, ça traite du désir de l'artiste de rencontrer des hommes riches pour, bah, pour l'entretenir, hein, clairement. Et donc le titre et le clip sont un hommage à Marilyn Monroe. Et ben bah, nickel. Allez, un autre titre. C'est un titre rock paru sur l'album Brothers in Arms. C'est Pink Floyd. Non. C'est, non. Dire Straits. Oui, on est là. Le titre commence par des harmonies et les paroles suivantes. Attention, impression. I want my MTV. Oui, c'est money for nothing. Et donc, vous saurez que le clip, eh bien, c'est l'un des premiers à utiliser des images créées par ordinateur. Oui, que voulez-vous ? Allez, encore deux titres. Chanson du groupe, ben, d'un groupe norvégien. Europe. Ah non, il est paru sur l'album Hunting High and Low. Take on me de toute façon globalement. Voilà, j'allais vous ajouter qu'on y retrouve beaucoup de sons de synthé et donc le clip, si vous le connaissez, il est sous forme de dessin noir et blanc animé comme une forme comme oui, un peu de dessiné, ouais. Voilà. Dernier titre. Vous êtes prêts ? Oui. Yes. C'est un titre synth-pop français paru sur un album qui porte le même nom. J'ai rien compris. C'est un titre synth-pop. Synthé-pop. Ah. Français, donc paru sur un album qui porte le même nom. C'est un énorme succès à sa sortie. Partenaire particulier ? Non. On l'a fait tout à l'heure, ça. Ah. Le titre initie le début de ce qui sera appelé la Daomania. Weekend à Rome. C'est pas Weekend à Rome. L'artiste y parle d'une rupture. Ah, c'est la chanson qui fait. Tabou, je sais pas quoi là. Non. C'est... Épaule tatou. Non. plus connu. Pour la France. Tomber pour la France. Oh, non, on l'a passé c'est tout à l'heure. Exactement, on l'a passé. Tu l'as passé avec Sébastien. Sébastien, oui. Super émission d'ailleurs. Et c'est tout pour moi, Davy. Très bien, merci beaucoup Agathe. Merci à toi. 7h50, vous êtes bien sur Fadjet. Voici Nad avec Célance et après c'est le Shabada d'Alex. Oui. Il y a un dat trop. Quand te rêver est bien trop fort, mais que les heures sont bien trop longues. Encore refaire tout le décor. Je veux que nos silhouettes se confondent. Je veux pouvoir trouver tes bras. Ce coin tranquille où je ne crois. Dans cette folie où le monde est à moi. C'est mon corps qui s'élance, s'élance. Ne tient plus la distance. Oui, mon cœur. Quand imaginer devient mon serment. Oui, je resterai, il n'y aura que toi. Et pour des années devient mon aimant. Autant mon été, je n'aurai plus froid. Je veux pouvoir trouver tes bras. Ce coin tranquille où je ne crois. Dans cette folie où le monde est à moi. Mon corps qui s'élance, s'élance. Ne tient plus la distance. Oui, mon cœur il se lance, se lance. Je laisse faire l'insouciance. C'est mon corps qui s'élance, s'élance. Ne tient plus la distance. Toi et moi. C'était Ned avec Sénance. Bonjour docteur. Bonjour monsieur, qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui? J'ai un problème, j'arrive pas à me réveiller le matin. J'ai une mauvaise humeur toute la journée. Vraiment, je suis au bout du rouleau, j'ai tout essayé. Vous auriez pas quelque chose? Qu'est-ce que je peux faire? J'en peux plus. Ah, je crois avoir ce qu'il vous faut, mon bon monsieur. Je vais vous prescrire une dose de 94 de service compris tous les matins. C'est à consommer sans modération. 94 de services compris, c'est tous les matins, des rubriques diverses et variées. Ah, c'était des infos sur les sorties culturelles, ben ouais. Sur la consommation, la vie de tous les jours. Le tout saupoudré de flashs d'informations locaux et nationaux. Présenté par une équipe dynamique qui vous fera démarrer la journée du bon pied. 94 de services compris, c'est tous les mercredis, jeudi et vendredi matin de 7h à 8h30. C'était en 2000. Ah. Et ça aurait dû y rester. Oh non, mais c'était, bah, c'était à l'époque, ça se faisait. Hein. Qui est là? Bah oui, qui est là? Je sais pas, tu devais pas mettre de la musique. Hey, c'est la fête. Oh les amis, 40 ans, c'est génial. C'est génial, c'est la fête, c'est que du bonheur. Et ce soir, je me suis fait la tête du créateur, la tête du père Guy Lescane pour venir fêter l'anniversaire de Fudgette avec vous. Alors comme je viens jamais tout seul, j'ai toujours une troupe d'artistes avec moi. Et ben là, j'ai deux artistes pétomanes qui vont pouvoir souffler les bougies de votre gâteau avec leur trou de balle. Allez, on vous retrouve tout à l'heure pour souffler les bougies et les 40 ans du gâteau de Fudgette. J'avais dit que c'était du Tému, hein, mais bon, parce qu'on n'a pas pu avoir Laurent Gérard, il est sur un autre événement. Merci Manu. Depuis 40 ça, c'est ans, le père. Je lui donne la parole. Allez. La transition. Franchement, le jingle de transition pour souffler les bougies d'anniversaire était au top. Bravo Davy. Merci. On applaudit les artistes. Ah. Je quitte la matinée. Au revoir. On te voit pas, mais toi devant la caméra, on te voit pas. Ah bah oui, oui, ou la caméra. Oh mon Dieu, c'est possible. Rebonjour à toutes et à tous. Bonjour. Bonjour. Nous fêtons ce week-end les 40 ans de Radio Fudgette, au cas où vous ne vous en seriez pas rendu compte depuis vendredi 20h. Depuis 38h. Si vous avez raté cette information de la plus haute importance, sachez que nous poursuivons le marathon des 40 heures de live ce matin. Pour mon Shabbat d'Alex, j'ai choisi d'illustrer le mot radio en chanson, et nombreux sont les morceaux qui évoquent ce terme. Commençons avec nos artistes francophones entre 1965 et 1976. En emportant des paniers, des bouteilles, des paquets et la radio. J'ai tremblé en écoutant la radio toutes les nuits. J'ai fait installer la radio à Crédit et en stéréo. Et la radio me vantait un truc débile qui m'endormait sur la route de Memphis. Sur la route de Memphis. Vous venez d'entendre Manu. Vous venez d'entendre Nino Ferrer, Stone et Chardin et deux titres d'Eddie Mitchell à crédit et en stéréo, ainsi que là sur la route de Memphis en 1976. Poursuivons la recherche du mot radio dans les chansons des années 80. Sous les chanteurs radio. Et à ce moment-là, que vous avez fait? Je crois que j'ai remis la radio. Chacun fait ce qui lui plaît. En retard sur l'horaire, besoin de se presser. Radio libre allumée, top, pas de publicité. Pas de chanson. Sur Radio Jamaïque, il a du copain. Variette Mélou, à la radio, week-end Britain. J'attends d'avoir le nez sur la radio qui répète qu'il fait chaud, il fait chaud. Faire attention au soleil. En Lorraine, on est tranquille là-dessus. Dans cette sélection se côtoyaient Michel Polnareff, Chagrin d'amour, Élégance, Philippe Laville, Étienne Dao, le chanteur préféré d'Agathe. Presque pas. Le chanteur presque préféré d'Agathe et Pauline Esther avec Il fait chaud. On aurait dit Olivia Ruiz, la voix de Pauline Esther. Ouais, il y a quelque chose, oui. Et c'est vrai. Ça correspond pas à la période. Et après, j'ai reconnu sur la dernière phrase Pauline Esther. Ah, mais ça aurait pu être une reprise d'Olivia Ruiz, ça n'aurait choqué personne. Mais carrément. Bah, écoute, écoutez, je vais contacter son manager juste après. Le mot radio était un peu moins présent dans les chansons des années 90 et 2000. Écoutons cette troisième compilation. Matin, j'ai pris perpète en ouvrant la radio. On dirait que sur Radio Chacal, en duplex live avec le Star Flash Laserlight Action Club, c'est tout de suite 3, 2, 1, DJ. La radio, tous les journaux, c'est pareil. On ne s'entend pas dans ce monde-là. Et qui se souviennent tous de moi par la radio. Oh, j'aime bien ça. Ça me dit super bien. C'est Nadia. C'est top. Super bus, je les aime. Présent au jardin de Michel, on le rappelle. Hein. Vous avez certainement reconnu Frédéric Godman Jones avec 1, 2, 3, Ayam, Zazie, Nadia évidemment, et Superbus avec Radio Song, c'était en 2004. Mais elle en dit quoi, Shine, dans tout ça? Bonjour. Je m'appelle Shine. Bonjour Shine. Je te remercie pour cette seconde apparition éclair dans les studios de Fadjet. Toi aussi, tu as parlé de radio dans une de tes chansons, c'était en 2011. Nous arrivons aux années 2010 et 2020. Je n'ai retrouvé que trois chansons évoquant la radio dans la variété française. J'attends à la radio. Oh, on vient hanter ma radio. Moi, je passerai pas à la radio. Oh, parce que mes mots sont pas très beaux. Vous venez d'entendre Vianney, Angèle et M avec Dans ta radio en 2022. Quelques chansons anglophones évoquent également la radio. Voici les trois qui me viennent naturellement à l'esprit. Radio Gugu, Radio Gaga. All we hear is Radio Gaga, Radio Gugu, Radio Gaga. Vous avez probablement reconnu Donna Summer, The Buggles et Queen avec Radio Gaga. C'était en 1984. C'est sur ces belles paroles que je vous souhaite un agréable réveil en notre compagnie sur les ondes de... Fadjet. En écoutant 94 de... Service compris. Même le... Dimanche. Bravo, à très vite. C'est dingue. 94.2, dimanche compris. Bien sûr. Merci beaucoup Alex, 8h01, je pense qu'on va faire le flash d'information. On fait le flash et on change, allez vas-y, je suis chaud. Votre dose d'énergie matinale, c'est sur 94.2 avec Service compris, la matinale de Fadjet, de 7h à 9h. Fadjet. 40 ans, 40 heures de live. Happy birthday. Il est 8h du matin, l'équipe de la matinale de Fadjet ouvre la 37e heure de direct. Fadjet, 40 ans d'ondes locales et citoyennes. Place au flash d'information et on commence avec au Proche-Orient. Le ministre des Affaires étrangères hongrois annonce que son pays réfléchit à quitter la Cour pénale internationale. Cette décision a été prise après l'émission d'un mandat d'arrêt international contre Benjamin Netanyahou. Le gouvernement de Viktor Orban a fait cette annonce sur le réseau X en arguant que la CPI est devenue très politisée, sapant la crédibilité du système judiciaire international. Pour rappel, Donald Trump a imposé jeudi des sanctions à la CPI après des accusations selon lesquelles elle aurait pris des actions illégales et sans fondement visant l'Amérique et notre proche allié, l'Israël. Un ministre britannique a été viré du gouvernement de Keir Starmer pour des propos inappropriés. Je regrette profondément mes commentaires gravement irréfléchis et je m'excuse pour toute offense que j'ai pu causer, a reconnu sur le réseau X Andrew Gwynn, ancien ministre adjoint à la Santé. Selon le tabloïd Mail on Sunday, les commentaires en cause ont été écrits dans un groupe WhatsApp que l'ex-ministre partageait avec plus d'une douzaine de conseillers travaillistes, des responsables du parti et au moins un autre député. Il y a tenu des propos antisémites et a plaisanté sur le fait qu'un électeur avait été fauché par un camion. On poursuit avec le 15 de France, s'est incliné à la dernière minute face à l'Angleterre au terme d'un match décousu. Les coéquipiers d'Antoine Dupont disent déjà adieu au Grand Chelem, puisque lors de la deuxième journée du tournoi des deux nations 2025, la France s'est inclinée à la dernière minute, donc de 25 face à 26 face aux Anglais, on va y arriver. L'équipe dit donc déjà adieu au Grand Chelem. On poursuit avec les 15 millions d'euros pour la recherche sur les cancers pédiatriques. Côté du budget 2025 devrait être réinjecté. L'amendement était attendu. 15 millions d'euros de crédit par an pour financer la recherche contre les cancers des enfants qui en tuent environ 450 chaque année. Voté par l'Assemblée et le Sénat cet automne, à nouveau par les sénateurs en janvier, il ne figure plus dans le texte du gouvernement Bayrou adopté le 5 février après un recours à l'article du 49.3. Selon le Parisien, l'exécutif s'engage finalement ce samedi 8 février à réinjecter cette somme dans le budget alloué à ce champ de recherche dès 2025. On poursuit le flash en région. Toujours à Nancy, les travaux de végétalisation en vieille ville vont bientôt commencer. Retardés, les travaux de végétalisation de la petite grande rue en vieille ville à Nancy débuteront à partir du lundi 10 février. Leur durée prévisionnelle est de 8 semaines, retardée de 4 mois faute d'archéologues. Les travaux donc de végétalisation de la petite grande rue à Nancy débuteront donc très bientôt. Comme indiqué par la ville, cette transformation sera visible entre la place Vaudémont et la place Josèle Malval. Nestlé Water n'est plus au syndicat des minéraliers. Conséquence des travaux de la commission d'enquête sénatoriale, la filiale eau du numéro 1 mondial de l'agroalimentaire demande une clarification des règles de la microfiltration. Une actualité à laquelle s'ajoute l'annonce de son départ de la maison des eaux minérales naturelles, le syndicat des minéraliers français. La filiale du géant suisse a ainsi publié un communiqué appelant à un débat scientifique sur les technologies donc de microfiltration. Merci beaucoup Agathe. Prochain point sur l'actualité, ça sera tout à l'heure à 9h. Ah merde, ça va pas bien. Oui. On peut le tenter comme ça de nous-mêmes si non. Tu veux. Ah non, ça marche pas. Je suis un peu, j'ai des troubles autistiques. Hey! La salsa, wappa! C'est mon péché mignon. Il y a des gens cardiaques dans cette pièce, vous pouvez éviter. Je vous rappelle le principe de Seigneur Météo. Je vais vous faire deviner par le biais d'une charade les paroles d'une chanson expliquant toujours que c'est les 40 ans toujours de Fadjet. Toujours c'est les 40 ans. Ah, j'adore. J'adore. Et oui, et donc, à émission exceptionnelle, date exceptionnelle, mon premier est le prénom porté par 50% des hommes portugais. Manuel. Non, pas Manuel. José, bien sûr. Mon père. Mon deuxième est une limitation en volume ou en valeur. Là, c'est plus compliqué. Limitation ? Ouais. Maximum ? Non. Ça commence par un Q. Quantité. Ah, un quota. Un quota. Alex. José Quota. 10 points pour Alex. José Quota. Mon troisième est un légume. De couleur orange. Carotte. Bravo, carotte. T'as triché, toi, t'as regardé. Non, j'ai pas regardé. Pour une fois, j'ai pas triché. Mon quatrième est le fruit du chêne. Le gland. Tout à fait. Et je vous rappelle donc toutes les réponses. Mon tout est le moyen de se rappeler l'âge de notre station. Les réponses étaient José Quota, carotte, gland. Et donc, c'est dimanche, Manu 3. J'ai José Quota, carotte. Ah, on y est presque. J'essaye avec un accent. José Quota, carotte. Ah, oula. Oui. Je suis pas assez réveillé pour ça, moi. José Quota, carotte gland. Et oui, chers amis auditeurs et auditrices de Fadjet, c'est le titre d'Arnaud, artiste belge, qui nous a quittés le 23 avril 2022. 40 ans est une chanson qui n'est pas des plus drôles. Alors, je vous conseille plutôt d'écouter Les Filles du bord de mer. Vous connaissez ? Non. Elles sont les filles du bord de mer. Non, mais la chanson. Bien tenté, Arnaud, cela dit. Ah, qu'elles sont jolies, les filles du bord de mer. Bien tenté. Il y a la chanson, alors je ne sais plus les titres exactement, Les yeux de ma mère. Les yeux de ma mère et Les filles du bord de mer, c'est vraiment à écouter. C'est des chansons. Oh mon Dieu, laissez-les-moi, les beaux yeux. Non, c'est pas ça non plus. Mais écoutez, voilà. Et donc, on souhaite encore un très joyeux anniversaire. Fadjet, et rendez-vous dans 10 ans pour les 5 ans. Ouais. Alex. Bravo. Surtout à 7h06, c'est une catastrophe. Sinon, il pleut toujours. Mais il fait jour. Est-ce qu'on donne vraiment la météo si vous voulez? Vraiment, c'est obligatoire. Ouais. T'es sûr? Oui, c'est gris, quoi. Il fait gris, c'est la tendance. Comment je pourrais rentrer? Une pluie faible toute la journée, des températures qui oscillent entre 3 et 6 degrés au meilleur de la journée. Quelques éclaircies ce soir. Très bien. Merci, Alex, et merci, Manu. 8h08, on va enchaîner avec Amir. Ça s'appelle Sommet. Ah. Quelqu'un nous arrête, on repartira. Tout le poids de nos peines, on le répartira. Si les murs se fissurent, on rebâtira. Le futur, c'est pas dur, je te jure, ça ira. Si on nous met à terre, on rebondira. Et si on a des rêves, on les brandira. Faut le dire, puis le faire, suffit pas d'y croire. Suffit pas d'y croire, suffit pas d'y croire. On va réussir. On sait comment. Tout va nous sourire. On sait comment. Je te le jure, on repartira vers un monde rempli de règles qu'on définira. Les erreurs qu'on a faites, on les écrira. On en fera des phrases que les gens crieront. Et on saura se parler, même sans dire. Moi, juste avec les yeux, on ressentira qu'on est arrivé là où ça durera. Toute la vie, même après, etc. On va réussir. On sait comment. Tout va nous sourire. On sait comment. C'était Amir avec Sommet. Il est 8h10 et vous êtes toujours à l'écoute de Fadjet. Fadjet. Et dis donc, Davy, t'as changé de voix. Davy a changé de voix. Il est enfin parti sa voix mystère. Mais qui est-ce? Mais qui est-ce? Ah, c'est qui? Bah écoutez. Bah dites-moi. Ah, je crois que j'ai trouvé. Ça fait 40 ans. C'est une longévité exceptionnelle. Hein? Et moi? Enrico Sarkozy. Moi, si j'avais duré aussi longtemps, si j'avais duré aussi longtemps à l'Élysée, ben, ça m'aurait arrangé. Mais bon, Fadjet, c'est une histoire, un outil de communication tellement merveilleux. Et qu'est-ce que j'avais entendu? Qu'on ne voulait pas m'inviter? Mais quelle indignité! Il n'y a que ça que je sais faire. C'est, oh, c'est mais moi, j'adore! Comme celui qui invite Zidane et qui fait bonjour! Ben, je m'en fous, j'aime bien, moi, je continue. Eh ben, t'as bien raison! L'info sport. Alors Evan, on t'a mis un petit bet sport parce que tu nous parles du Super Bowl. Oui, alors bah, ça s'est passé pendant le Super Bowl, mais je vais un peu dévier parce qu'une fois n'est pas coutume, je vais vous parler de tétons. Ah. De tétons. Voilà. Ouais, bah, et vous allez apprendre pourquoi les retransmissions en direct aux États-Unis le sont en différé. Ah, moi voilà. Je sais. Et donc pour répondre à cette question, On doit prendre la DeLorean direction le dimanche 1er février 2004, alors que le Super Bowl Halftime Show s'achève avec le duo Janet Jackson et Justin Timberlake sur le titre Rock Your Body, à la fin de la chorégraphie de la chanson, alors que le texte se termine par la phrase, là je vais vous la faire en français parce que mon anglais est un peu pété, « Je parie que je t'aurai nu à la fin de cette chanson ». Et à la fin, Timberlake arrache une partie du bustier de Janet Jackson, laissant apparaître le sein droit de cette dernière. Okay. Sein orné d'un piercing et d'un bijou en forme d'étoile recouvrant l'intégralité de son mamelon. Janet Jackson expliquera plus tard que le soutien-gorge devait rester en place et ne dévoiler que partiellement son sein, mais que lors du show, Justin Timberlake a tiré trop fort sur le bustier, arrachant un pan de son soutien-gorge. Et alors là, cet incident, il suscite un énorme battage médiatique aux États-Unis. Jackson et Timberlake doivent s'excuser publiquement, mais la controverse perdure et fait même l'objet d'une couverture médiatique supérieure à celle des primaires démocrates. Le président de la Commission fédérale de la communication se déclare outré qu'un tel spectacle ait pu être présenté à 90 millions d'Américains et leurs familles. Par la suite, CBS, la chaîne qui diffusait le Super Bowl, a été condamnée à une amende de $550,000 pour avoir diffusé un contenu indécent. Et là, ça va s'enchaîner parce que... Voilà. Ah, ça, c'est bien trouvé. Jean Bloguin. Et là, ça va s'enchaîner Ça va prendre de l'ampleur, voilà, en fait. Voilà, ça va prendre de l'ampleur le 5 février. Tempête médiatique. Voilà, ouais. NBC coupe une scène de la série Urgence dans laquelle apparaissent furtivement le sein d'une patiente de 80 ans en justifiant ce geste par l'atmosphère créée par les événements de la semaine. Peu de temps après l'incident, CBS annonce que Janet Jackson n'apparaîtra pas lors de la cérémonie des Grammy Awards prévue le 8 février. Et maintenant, il y a l'île de la tentation. Voilà. Pire à 19h. Et ensuite, AOL, la compagnie qui a sponsorisé le show de la mi-temps, elle a demandé un dédommagement d'une partie des $10 millions qu'elle avait investi. ABC a fait le choix de retransmettre la cérémonie des Oscars 2004 avec un différé de 5 secondes afin de pouvoir couper tout débordement jugé inapproprié. Et ce procédé se généralisera par la suite à toutes les transmissions en direct aux États-Unis. L'incident a conduit à une intensification des règles de censure à la télévision américaine avec une surveillance plus stricte des émissions en direct et notamment les événements sportifs. Et bah, je finirai avec cette citation dans Le Tartuffe. « Couvrez ce sein que je ne saurais voir. » Par de pareils objets, les âmes sont blessées et cela fait venir de coupables pensées. Eh bien, merci. Voilà. Et on va continuer, figure-toi, en musique, puisqu'il y a une autre personne qui a été embêtée suite au Super Bowl. En 2014, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était M.I.A. qui avait chanté aussi avec Madonna. Et elle avait fait un doigt d'honneur au Super Bowl. Et elle a été embêtée tel point qu'elle a eu une amende qui s'élevait à... $1.5 million, qui est passé à $16 millions, et en fait, elle était interdite de territoire parce qu'elle a refusé de payer. Donc, je vous propose de rester dans ta thématique. Ouais. Merci beaucoup pour ta chronique. C'est très intéressant, les États-Unis. C'est un autre monde. Parce que voilà, les gens sont condamnés à des millions de dollars d'amende, et dans certains États, on laisse circuler les armes et n'importe qui peut tuer n'importe qui. C'est les États-Unis. J'ai deux choses. Ce fait de décaler la diffusion, la retransmission en direct, finalement, ça vient aussi dans nos pays. Voilà. Ouais. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'était un hommage à Céline Dion qui aurait pu être une conclusion de cette chronique, c'est « On rit de mon téton, des battements de mon cœur ». On rit de mon téton, des battements de mon cœur. Destin, 1995. Allez, sur ce, on va continuer en musique. J'ai peur. Hein. Avec Madonna et « Give me all your loving ». Give me all your... Pardon. L-U-V, Madonna. Maybe you do fine as long as you don't got to. toy, toy. In the nick of time, I can say a second rhyme, cause it's time for change like the Nickel or a North. I'm Roman, I'm a barbarian, I'm Conan. You were sleeping on me, you were dozing. Now move, I'm Conan. You have all the L-U-V. I gave you everything you need. Now move. Now it's up to what of you. Are you the one, shall we proceed? Me. Lick some so swag, fish class. No one gives you this. It's supersonic, bionic, uranium hit. So I break them all tricks. Let's play that it sticks. I'ma say this once, yeah, I don't give a sh. Don't play the stupid game, cause I'm a different kind of girl. Every record sounds the same, you gotta step into my world. Et c'était Madonna avec Give Me All Your Loving en featuring à l'époque avec Nicki Minaj et M.I.A. Du sourire dès le matin avec 94.2 Service Compris. Et on continue en sourire et on va en apprendre encore un petit peu avec toi, Sarah. Oui, d'habitude, j'ai tendance à faire des mots oubliés de la langue française. Alors, oubliés, non pas qu'ils soient sortis du dictionnaire, mais c'est des mots qu'on n'utilise plus parce qu'ils sont remplacés par d'autres ou on les atrophie, les pauvres. Et là, bah, je me suis dit que pour les 40 ans de la radio, j'allais me pencher dans le nouveau Petit Robert édition 2025, donc 40e année. La transition est parfaite avec le Nipplegate. Avec le petit Robert, bon, pardon. Ok, le petit Robert. Bien. Donc, j'ai pris quelques mots parce que les définitions sont des fois un peu longues ou c'est pas forcément des mots qu'on va utiliser beaucoup. Et on va commencer avec technosolutionnisme. Oh là c'est là. Quoi ce mot qui est rentré au Petit Robert 2025 c'est un agent technologique qui répare les ordi. Non. C'est une traduction d'un mot anglais déjà, pour que ce soit aussi non. moche, c'est obligatoire. Non plus. Oh, quoi, même pas. Même oh pas. C'est un langage de technocratique. C'est un peu. Ouais. C'est une solution pour réparer quelque chose via la technologie. Non plus. Un technosolution. Alors, c'est un rapport avec les animaux ? Non plus. C'est pas un mec qui vient réparer ton ordinateur, tout non. simplement ? En fait, comme on est très nombreux, j'ai la tête qui va de gauche à droite, là, je me donne le tournis. Je pense qu'il faut que tu nous donnes ça. Alors, face aux défis écologiques et sociétaux auxquels nous devons faire face dans les prochaines années, on peut avoir foi en l'humanité, ou plutôt faire confiance pour leurs propriétés thérapeutiques supposées à certains dispositifs de parapharmacie, qui disposent même aujourd'hui de cette pratique. Donc, par exemple, tout à l'heure, Manu, tu parlais de pierre, donc il y a l'améthyste pour lutter contre le stress, le lapis-lazuli pour augmenter la confiance en soi, ou la malachite pour combattre l'arthrose. Que l'on croit oui ou non dans les vertus de la lithothérapie, une chose est en tout cas certaine, grâce à elle, vous enrichirez déjà votre vocabulaire. Donc c'est le technosolutionnisme, un nouveau terme très en fait, bien. Pour parler de procédés naturels pour faire face au stress, à l'anxiété. Bah, c'est le terme techno qui est... Mais alors, quel est le rapport en fait. Peut-être, ça, ou technique, le techno est dans le sens technique et pas technologique. Ouais. Oui, je pense qu'il faut le prendre au sens primaire du terme. Alors dans le sens technique. Parce que techno, c'est vraiment le moyen. Okay. Je vous en fais un petit deuxième. Ah, très thérapeutique la danse technique. Alors, un deuxième. Sapiosexuel. Ah, ça c'est quand on est amoureux des gens intelligents. Ouais, c'est ça. Ok, ah est-ce bon que je dis quand même la définition? Non, c'est pas la peine, c'est pas la peine. On est trop fort. Alors, vrai, si chaque être humain est un homo sapiens, tout le monde n'est pas pour autant sapiosexuel. Ce mot, apparu en français il y a une dizaine d'années, partage pourtant avec homo sapiens une racine latine, sapiens, qui veut dire sage ou intelligent. À la différence de l'hétérosexualité, l'homosexualité ou l'asexualité, la sapiosexualité n'est pas une orientation sexuelle à proprement parler. Une personne sapiosexuelle éprouve une attirance pour les personnes qu'elle perçoit comme brillantes ou cultivées. Pour elle donc, pas de crush sur la base d'une simple photo Tinder. Pour la séduire, il va falloir travailler son profil et peut-être son orthographe également. Oh, je crois que je le suis. Allez, bah, je pense aussi, moi, un peu. Ah merde. Voilà. Alors, et un petit dernier que je trouve, alors j'en ai d'autres, mais un petit dernier que je trouve particulièrement drôle, que j'ai découvert en même temps, boss des Bécos. En un mot ? En deux mots, boss comme un boss et des Bécos, des pluriels, Bécos, B-E accent aigu, C-O-2-S-E-S. Rien à voir avec. C'est des bisous ? Pas forcément, voire même non. Non. Boss des Bécos. Rien à voir avec. Alors, c'est pas originaire de français, du français, pardon. Ça nous est importé d'un autre pays et c'est quand même rentré dans le Québec. Ouais, c'est bien du Québec. C'est le Québec, c'est sûr, ça vient du Québec. Ça peut être que ça. C'est une expression. Tabarnak des State Cross. Céline, bonjour. Ouais, bonjour, c'est moi. Voici une expression québécoise. I'm alive. Ça vous intéresse pas, en fait. On n'a pas assez dormi, ça va. Fais fi des critiques, ça va. Alors, voici une expression québécoise qui pourrait sembler presque poétique avec sa double allitération en B et en S, boss des Bécos. Synonyme de petit chef, elle est fréquemment employée au Québec pour désigner une personne faisant preuve d'une autorité prétentieuse. Oh. Et je crois qu'on en connaît un certain nombre dans nos milieux professionnels. Et Sarah me regarde. Ah, comme de par hasard. Non, c'est parce François, que je t'adore, si tu nous écoutes. Alex, tu le sais, je t'adore. Eh, François, si tu nous écoutes, on pense à boss toi, si, on t'aime. Et on t'aime bisous fort. Donc, je finis. Donc, petit chef prétentieux, le sens de Bécos, c'est pas pour toi, François. Non, le sens de Bécos est en revanche moins poétique, puisque ce mot issu de l'anglais backhouse désigne dans la langue familière les toilettes. Donc, le ou la boss des Bécos est donc en quelque sorte un chef de cabinet. Une expression familière si peu flatteuse que son usage a été banni à l'Assemblée nationale du Québec après son emploi par une parlementaire de l'opposition pour qualifier le Premier ministre. Ah ben c'est sympa, une tout grande ça. Classe. Chez nous, on l'a mis dans le dictionnaire. Et oui. On est comme ça. Et je pense que je vais avoir quelques occasions de l'utiliser dans certains usages professionnels. Tu peux répéter le mot ? Boss des Bécos. Merci. On continue en musique. Moi, vous m'avez parlé de tectonique tout de suite. Moi, je dis tectonique, je pense à Yael. Évidemment, à cause des garçons. Il est 8h25. Vous êtes bien à l'écoute de la matinale bien spéciale du dimanche pour les 40 ans de la radio. On écoute Yael à cause des garçons. Tu déconnes, on va pas se faire encore un plan gros sac. De quel plan tu causes, tu oses, c'est toi qui as commencé. J'abandonne, t'es vraiment plus bonne à pas grand chose, tu déconnes. Ben tu vois, lui me trouve super bonne. À cause des garçons, on met des panilons, on se crève le chien. Pour de bon. C'était Yael avec À cause des garçons. Il est 8h28 et vous êtes bien à l'écoute de Fadjet et du service compris. Bon, qui est-ce ? Eh bien, mes chers compatriotes, Monsieur le Premier ministre ? 40 ans, oui, 40 ans, c'est un chiffre symbolique. Et c'est la preuve qu'une radio locale peut, avec du sérieux, de la constance et de la passion, traverser le temps. Ah, mais j'ai mélangé mes fiches. Et c'est beau, ça. C'est même, comment dire, fondamental pour la démocratie locale. Et longue vie à Fadjet. Il est plus vrai que nature. Hein. Celui-là, il est particulièrement bien fait. Hein. Ouais, il est bien celui-là. Eh ben, je vous remercie. Heureusement qu'il est rentré dans la vie politique. 1985-2025, Fadjet à Nancy et en Lorraine depuis 40 ans. Et mon bon Davy, tu as changé de côté pour passer du côté des animateurs côté chroniqueurs. Obscur. Du côté obscur. Ils sont un peu foufous, hein. Oh oui, hein, ouais, il a peur. Foufous. Il a peur, Davy. Il est prostré dans un coin. Il se cache. Vous pouvez le voir sur le direct Facebook. Hein. Rejoignez-nous en direct sur Facebook. Eh, c'est vrai qu'on ne voit pas beaucoup, Davy. Tu te caches, hein, vraiment. Rejoins-nous. Tu vas nous parler médias, Davy. Exactement, je vais parler médias. Et on va parler donc d'un film qui est sorti au cinéma. C'est bien sûr Les Tuches. Donc c'est mission réussie pour Jean-Paul Rouve. Alors que c'est la première fois qu'il dirige un épisode de la saga. Les quatre autres ayant été réalisés par Olivier Barou, absent du projet à cause de différents artistique et financier. Le cinéaste a dû être comblé par l'engouement suscité par la sortie du cinquième volet des Tuches. À la suite d'une promotion importante à la télévision, notamment God Save the Tush, a séduit près de 240 914 spectateurs pour son premier jour d'exploitation en France. Le 5 février, avant-première comprise, elles ont rassemblé 140 347 fans, un résultat qui permet à la comédie de se hisser largement en tête du box-office de ce mercredi devant le blockbuster Paddington au Pérou qui a attiré 120 325 curieux dans les salles obscures. Et God Save the Tush. Ouais, l'anglaise. C'est le deuxième meilleur lancement de la franchise. Oui, mon anglais. Il n'y a pas de E à la fin. Davy, on t'adore. Ne change rien. Ne change rien. T'as d'autres. C'est tout bon. C'est tout bon pour toi, mon pauvre Davy. Oui. Ils t'embêtent, hein. Ils sont pas gentils. Hein. Et bien, sur ce, on va continuer en musique pendant qu'ils sont en train de nous lâcher. Séchez vos larmes. Faut qu'on respire. Je pense qu'ils ont fait la tournée des bars, là. Ils ont fait la tournée des bars. Allez, on continue avec Location de Zurb avec Dola Jean et Wiz Khalifa. Il est 7h32 et vous êtes bien à l'écoute de Fadjet. Collins. We in Miami and we ballin'. She let Dollar pull up as we mobbin'. Every time I'm in the city, we be locked in. Ay, locked in. Ball Harbor, take you shopping. Nikki Beach, we in the water. Free up, make it hotter. 2 a.m., we ended up at Liv. 3 a.m., we like 4 bottles in. 4 a.m., and I know which girls I'm taking home. I need to know. trip with your friends. Bad dog, we don't count it, just spend. Make our own, we don't follow the trends. 100 bottles on our own expense. Only live once, so we so lit. Let's take shots, don't miss. Pour them all out, then reload it. More drinks, more sips. More time getting spent on drunk texts. More things that I gotta confess. Let's be honest for once and own it. Lose ourselves and live in the moment. When they doubt, we just show them. Private plane, we just floating. Location de Zurb avec Dola Jean et Wiz Khalifa. Il est 8h34 et vous êtes bien à l'écoute de Fadjet pour ses 40 ans. 94.2 service compris, la matinale de Fadjet, le bon plan pour bien commencer votre journée. Ouh, c'est beau. Ouh, ça danse. Et je le disais, c'est les 40 heures de Fadjet. Et nous sommes donc dans cette 37e heure de direct. Déjà. C'est bientôt fini, mais on s'accroche, on est trop contents. Et justement, tu es là depuis, toi, 17 heures. Tu es arrivé dans les... oui. À la radio et en studio depuis. J'ai repris à 18 heures hier. Mais 17 heures de quel jour? De hier. Et, oui, voilà. Oui. Et toi, Valentin, donc, tu es salarié Fadjet et... tout à fait. Tu n'arrêtes pas en ce moment, tu as animé toute la nuit. Est-ce que tu pourrais nous raconter un peu ce que tu as fait cette nuit? Eh bien, j'étais avec des joyeux lurons du nom de Agathe, du nom de Davy et Stéphane qui n'est pas très loin aussi. Stéphane, viens dire bonjour Stéphane. Oh yeah. Qui est Monsieur Jingle et dont la moitié des jingles des 40 ans sont faites par Stéphane, effectivement. Et comment résumer cette nuit, si ce n'est que par le mot imitation? Je pense qu'il est un très bon résumé. Bestie. Car ouais. Mon cher Manu, tu n'es pas le seul à tenter de faire des imitations, mais tu es probablement le plus doué de la bande, cependant. Qui c'est qui a fait des imitations? À peu près tout le monde. Moi, j'ai fait l'accent québécois, c'était un échec. Voilà. C'était un échec. Mais sinon, oui, 40 heures, ça a été aussi donc deux nuits de live, deux nuits avec une très belle ambiance. Sur ces 40 heures, c'est près de 60 personnes qui se sont relayées et qui vont encore continuer, puisque tu le disais, on n'est qu'à la 37e heure, il en reste encore 3 et 24 minutes, puisque la fin de ces 40 heures, ce sera à midi aujourd'hui. Et donc, une soixantaine de personnes, salariées et surtout bénévoles de la radio, qui ont fait vivre l'antenne pendant 40 heures. Des anciens bénévoles qui sont revenus pour l'occasion, des bénévoles qui sont là depuis plusieurs années et qui ont vu Fadjet évoluer, des bénévoles qui sont là aussi depuis très récemment, mais qui participent aussi à cet anniversaire parce que, eh bien, toutes les voix sont importantes à Fadjet et on est très heureux de voir que ce bel événement des 40 ans, puisque ces 40 heures, c'est l'événement de lancement pour cette année d'anniversaire, mais ce ne sera pas le seul événement qu'on va faire. Toute l'année 2025 va être une année festive autour des 40 ans de Radio Fadjet, mais là c'est vraiment l'événement de lancement. On est très très heureux de voir à quel point tous les gens qui font vivre Fadjet ont été heureux de passer cet anniversaire avec nous, et on vous en remercie encore. Merci pour votre implication, merci de faire vivre cette belle radio depuis 40 ans, et on l'espère pour encore au moins 40 ans. N'applaudissez pas trop vite parce que j'ai une conclusion quand même, c'est qu'avec Aurélie qui a fait le lancement vendredi à 20h, on a commencé à prendre des engagements pour les 80 ans de Radio Fadjet. Donc je compte sur vous tous bien sûr pour participer aux 80 ans, je 80 heures de live. On a déjà booké nos agendas. Ouais, moi j'en aurai que 60, donc... Voilà. Oui, mais pareil. 60 ans, je serai encore en forme. La même. Oh, oui. Ah, voilà. Donc voilà, et encore merci. Et donc, restez avec nous jusqu'à midi pour la conclusion de ces 40 heures. Avec Aurélie, le tease depuis vendredi 20h, une belle surprise à l'antenne aux alentours d'11h30 midi. C'est Chine. Ouais. Soyez présents. C'est Chine. Peut-être. Bonjour, c'est Dany Briand. Merci d'écouter mes chansons. La salsa. Et là, il y a Fred qui arrive. Eh bien, merci en tout cas pour ce résumé des 40 heures de Fadjet, on continue en musique ? Évidemment. Moi, je me fais un peu d'autopromo ? Oui. Oh, allez, allez. Vous retrouverez lundi soir mon émission et je vous parlerai de Avril Lavigne, qui a aussi 40 ans comme Fadjet. Ah. Et donc, je me suis dit que j'allais vous passer un petit extrait de son dernier album. Il s'agit de Bite Me, de Avril Lavigne. Merci, merci de le dire à l'américaine. Bite Me, Manuel. Bite. Il est 8h38, vous êtes bien à l'écoute de Fadjet. Hey, yo, you should've known better, better than mess with someone like me. Hey, yo, forever and ever you're gonna wish I was your wifey. Don't act so innocent, this was no accident. You planned this in the end and now it's over. Say what you wanna say, you lied and I got played. You threw it all away and now it's over. Just face it, we didn't make it. You bit off more than you can chew, can you taste it? Me. C'était Avril Lavigne avec Bite Me. Et oui, et la voix que vous venez d'entendre, eh bien, c'est celle de Stéphane, bénévole, qui nous fait donc les jingles de la radio. On peut l'applaudir très très fort. On peut l'applaudir. Merci. T'es trop super. Ah, tu sais faire la voix de Stallone, Stéphane ? Ouais, un petit peu, ouais. Oh, trop bien. Petite requête aussi, si on peut faire un tour de table de requête de voix. C'est un petit extraterraistre ce matin. Tu veux que je te fasse Alf? Ah oui. Ouais. Ok, j'aime bien les petits. Ah, j'aime bien. Evan, t'as une requête aussi? Allez, on y est. Hein. Non, là, comme ça, en tête, j'en ai. Non, Manu? Non, non plus. Sarah? Non, c'est des concurrents. Ça y est, moi, j'ai demandé Stallone. Et toi, Valentin, t'en as une? Chirac, le retour. Oh putain, 2 ans. Et toi, Davy, une petite requête? Allez, un petit Homer. Ah, un petit Homer. Ah, un petit Homer. Oh punaise. Oh, oui, il est beau celui-là. Attends, j'ai une petite demande, si tu sais faire. Tu sais faire Bruce Willis? Ah non. Non. Ah, malheureux. Evan, le mot qui fâche. Ah. Mais qui est-ce? Non mais attends, bonhomme, 40 ans, c'est énorme, c'est un truc de dingue. Votre radio, elle est sévèrement burnée. Il y en a, ils font 3 ans et puis ils disparaissent et vous, vous êtes encore là depuis 40 piges. Non mais c'est quoi votre secret, là? La sortie du circuit. Vous avez le... Oui, exactement. Vous avez le mental, vous avez l'énergie et surtout, vous lâchez rien et moi, j'adore ça. Belmondo? Bah c'est Tapi. Ah, c'est Tapi. Ah, c'est Tapi, bravo, bravo. T'es sévèrement burné. Là, j'ai compris. Bah, les burnes, c'est Tapi. Hein. Allô? Eh bien, nous allons... 94, service compris. Eh bien, nous allons retrouver Sarah avec les mots oubliés. Oui. Quelle voix. Alors, c'est des mots et des expressions qui étaient employées dans les années 80 et qui ne sont plus utilisées ou très peu, à part pour les anciens, un peu comme moi, qui savent encore ce que ça veut dire. Alors, on commence. Je vais essayer de vous faire deviner ça. Une chiclette. C'est chewing-gum. Exact. Oula. Qui c'est qui l'a dit? Moi. Mais Evan, quel âge as-tu? Non, mais en fait, au Portugal, c'est une marque de chewing-gum. De chewing-gum. Ah. Et en fait, c'est surtout utilisé dans la province de Liège. Donc, ça me surprend que tu en parles. Liège au Portugal, Portugal. Oui, oui, oui. On dit que ça a été inspiré par la marque, effectivement, chiclette. De bubblegum chiclette qui était à la mode dans les années 80. Mmh. Eh bien, je alors, toujours au Portugal, visiblement. Au Portugal, à Liège. Deuxième mot, aboule, du verbe abouler. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Si l'envie vous en prend, vous pouvez faire un super combo avec le mot du flouze. Aboule le flouze. Ah, et demande qu'on vous amène de l'argent avec cette phrase, aboule le flouze, expression vintage à souhait. Un falzard. Un pantalon. On connaît, c'est Laurent. Mais en fait, on est tous âgés ou Moi, j'ai rien demandé. Hein. Et puis, on va en faire un petit dernier. Être flagada. Ah, c'est quand on va pas trop bien. Ouais, c'est ça. Ça veut dire être crevé, tout mou et qu'on a la flemme. Voilà. C'est Davy. C'est Davy. Ça va. T'es flagada. Ouais, un petit peu. Davy n'est pas flagada. Il est à deux doigts du coma. Par contre, mon bon Davy, on ne te voit pas en live. Pourquoi tu fais le timide? Il faudrait décrocher la caméra. Alex, on vous voit plus. Moi, je fais quelques apparitions des fois. On est trop, c'est trop large. Oui. Mais vous nous manquez. Moi, je vous vois pas. Tu nous vois en direct. On est là. Non, je vous vois pas. Je vois pas. Bon, et ben merci pour tes connaissances et ce que tu nous apportes. On continue en musique un petit peu. Ah, ça vous va? Allez. Et bien, figurez-vous que les Cure, en 1985, eux aussi, ils ont sorti un album. Il y en a eu plein. Et ça donne la pêche. Et ça donne la pêche. Bon, les Cure, c'est pas normal, ils donnent pas toujours le plus la pêche. Faut pas être près des fenêtres. Voilà, c'est exactement ça. Pas trop mûr. Ouais. Mais ils ont sorti The Head on the Door et sur cet album, eh bien, on retrouve un titre quand même plutôt sympathique, plutôt dansant, c'est In Between Days que nous allons justement écouter des Cure. Il est 8h45 et vous êtes bien à l'écoute de Fadjet.

C'est la fin de ce Flash Info. Merci pour votre écoute. C'est pas le bon jingle. Seigneur météo. Seigneur météo. C'est Seigneur météo. Non. Alors, Seigneur météo, moi, je suis là depuis 3 heures. je n'en puis plus, mais sire. Donc, Seigneur. On m'a bien dit qu'il fait beau. Seigneur météo, attendez. Mais vous l'avez blindé, le cartoucheur, enfin, mes bons amis. Attention, parce que les gens n'ont pas l'image. Ah. Désolé, je vais tout vite parce que je sais qu'on doit rendre l'antenne très vite. Alors, mon premier est un légume qu'on déguste râpé ou en rondelle. Carotte. Carotte. Très bien, on allume mon deuxième le 14 juillet. Feu d'artifice. Non, ou alors dans des festivals. Voilà, dans les pétards. Patrick Duflo, Hugo Mola et Carles Martinez Novel pourraient dire mon troisième. Ligne. Non. C'est les entraîneurs de la ville de Toulouse. Ils pourraient dire j'entraîne Toulouse. Il y a l'entraîneur de handball, de foot et de rugby. Mais j'entraîne Toulouse, je suis désolé. Mon quatrième est le nom de famille le plus célèbre, du plus célèbre des Nelson. Montfort. Ah, moi je pensais que vous alliez dire Mandela, mais finalement on voit votre niveau. Hein. mon sixième agit souvent en duo good et bad. Cop. J'avais oublié mon cinquième, qui est un ensemble de temples cambodgiens. Et temples. Hindous ? Non, cambodgiens. Ah, cambodgiens. Les temples d'Angkor. Encore, ah, bravo. Oh là là. mon septième est une race de pigeons. Une race de pigeons. Qui commence par quoi? Une colombe. Non, une race de pigeons. Ramier. Ramier. Bravo Stéphane. C'est Stéphane. 10 points pour Stéphane. mon huitième et dernier est comme ma chronique et surtout le contraire de léger. Lourd. Voilà, exactement. Donc je vous rappelle les réponses. Carotte, pétard, j'entraîne Toulouse, Montfort, encore, cop, ramier, lourd. Et mon tout est le moyen de célébrer enfin l'anniversaire de notre station. Et là, c'est l'extrait de Manu 1, je crois. Dimanche Manu 1. Manu 1, dimanche Manu 1. 1. Vas-y voir. Plus tard, je t'aime toujours. Plus fort encore, copra mieux lourd. Tu peux le remettre un coup au début ? Écoute, le début, c'est... 40 ans plus tard, je t'aime toujours. Mon fort encore. Qu'au premier jour. En fait, l'idée, c'est que je voulais pas trop le mettre dessus parce que 40 ans plus tard, je t'aime toujours, plus fort encore qu'au premier jour. C'est Yves Duteil, qui lui n'est pas mort, hein, qui a chanté ça, qui fêtera ses 76 ans le 24 juillet 2025. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à découvrir ce titre méconnu et beaucoup de plaisir à être ici avec vous dans cette émission. Plaisir partagé. Eh bien, merci. C'est déjà la fin. Mais je profite de ces quelques minutes quand même pour remercier toutes les personnes qui sont autour de cette table et vous laisser l'opportunité de dire un petit mot avant de clôturer cette matinale. Donc Davy, merci à toi, tu es là depuis quelle heure Davy? Depuis 17h hier et j'ai pas dormi depuis 24h. Franchement Davy, un grand grand respect à toi. Tu gères des vies, franchement, c'est super. T'as assuré toute la nuit, ça a été trop cool d'être avec toi à partir moi, de 3h. C'était vraiment sympa. Il y a aussi des boutons sur la joue quand même. Il y a Valentin. Oui. Toi, tu es là depuis 17h aussi. 17h aussi, tu animes depuis quand 18h. 18h, merci aussi à toi, hein, vraiment, les gars, vous assurez. Non mais il faut le rappeler, vous avez tapé toute la nuit, c'est quand même super. On a aussi Sarah. Alors, moi, j'ai fait une coupure quand même. J'ai été dormir, mais j'ai travaillé en amont parce que j'ai fait un petit peu Madame Ménage avant pour que tout se passe bien et que tout le monde soit bien accueilli. J'ai fait hier le Shabbat d'Alex avec mes copains de jeu ici présents, Manu et évidemment Alex. Et ce matin, et c'est un vrai bonheur de partager cette belle aventure. Merci beaucoup, Fadjet. Il y a aussi Manu, donc. Oui, je suis ravi vraiment et sincèrement d'avoir fait le Shabbat d'Alex géant hier et j'espère qu'on en fera un très vite et d'avoir partagé ce moment matinal avec vous et en admirant tout ce que vous avez fait aussi pendant les 40 heures et toute l'énergie que vous avez donnée. Voilà, un grand merci à Fadjet et aux auditeurs. Merci, il y a aussi Evan. Moi je me sens un peu comme un escroc parce que je suis arrivé à 7h moins le quart. T'as fait la matinale avec nous. Il n'y a pas d'escroc, je suis désolée, je vous mets le turbo, il n'y a pas d'escroc, t'as fait la matinale avec nous. Merci beaucoup d'avoir été là, c'était un plaisir. Et moi, je dis joyeux anniversaire. Alors toi, Alex, joyeux anniversaire, non? Quand t'as fait ton émission hier, oui, Alex, j'ai réalisé super. Un rêve et je suis plein d'émotions. J'ai pleuré dans la voiture avant d'arriver à Fadjet. C'était extraordinaire. Non, c'était vraiment super. On peut l'applaudir aussi. On peut l'applaudir. Et on peut aussi applaudir Agathe. Ah ben, bravo, oui, Agathe. Merci. Bravo Agathe. Merci. Et il y a aussi Stéphane qui est à côté de moi. Bien Stéphane. Stéphane, il a fait toute la nuit. Oui, ben merci. Ouais. Merci beaucoup. Donc j'ai fait ma première émission de radio, moi, cette nuit, en nocturne. Voilà. Ah, bravo, non-stop, avec les garçons depuis hier. T'es arrivé à 17h aussi. 18h30. Donc franchement, merci à toute l'équipe. Nous, on laisse la main donc à la voisinade pour cette 38e heure avec Galone, Camille et Mélie. Courage à vous, merci de nous reprendre les copains et donc on se retrouve tout à l'heure. Bisous. Garçon, l'addition s'il vous plaît. Bien monsieur, vous avez donc pris un plat d'infos éphémérides et programmes TV sur son lit de chroniques variées, accompagné de sa sauce bonne humeur avec équipe différente, chaque matin de 7h à 8h30. Ça vous fera 94,2, service compris. C'est une affaire, je reviendrai.